Les devoirs. Прослушайте текст и скажите, что удивило учительницу Мадлен. Fernand, éteins la télévision et viens aider Madeleine à faire ses devoirs, a crié Madame Berthaud à son mari. Il vaut mieux l'aider que regarder un match de football ou lire le journal. Comprends-tu que c'est beaucoup plus important? Maintenant, c'est la dernière occasion de l'aider. Pourquoi dis-tu que c'est la dernière occasion de l'aider? Est-ce que Madeleine ne va plus aller à l'école l'année prochaine? Mais si, a répondu sa femme d'une manière sarcastique. Mais l'année prochaine, ton niveau ne sera pas assez suffisant pour l'aider. Monsieur Berthaud s'est fâché à cause du sarcasme de son épouse. Mais il aime sa fille et il veut l'aider. Il a abandonné son journal, il a éteint la télévision et il s'est mis à travailler avec Madeleine. Pendant qu'il essayait de répondre à ses questions, il pensait à autre chose, au match de football qu'il venait de voir à la télévision. Évidemment, il a fait beaucoup d'erreurs. Le lendemain, à l'école, l'institutrice a posé des questions sur les devoirs. Madeleine levait la main à chaque question parce qu'elle pensait que ses réponses étaient correctes. Malheureusement, la plupart de ses réponses étaient mauvaises. L'institutrice lui a dit avec surprise « Je ne peux pas comprendre comment une seule personne peut faire tant de fautes, Madeleine. » Madeleine a regardé son institutrice et lui a dit « Madame, vous avez tort. Ce n'est pas une seule personne qui a fait tant de fautes. Mon père m'a aidé à faire mes devoirs. »